qui pensait qu'on était inséparable. Maintenant qu'il est méconnaissable, allons le voir dans le vent. Mon ami, je pense encore à toi. Même si ton erreur est impardonnable, je t'excuse du plus profond de mon cœur. Maintenant, tu es l'heure. Mon ami, je pense encore à toi. Mon ami, pourquoi tu fais ça? Je t'avais pourtant prévenu.